jeune femme au bras d'un faiseur de rêve, robe légère que les vents soulèvent, un faiseur de troubles, presque un voleur venait de lui chiper son corps et son cœur. Elle était très jolie, il l'a prise pour chez lui. Ses amis très surpris se demandaient indécis si c'était pour la vie. Il voulait eux aussi pour chez eux une amie, pour être d'une amie, près du feu pour la vie, près du feu pour la vie. Alors dans les parcs et les jardins publics où les statues prennent des poses érotiques, on peut en voir un, parfois l'autre guetter, mal caché derrière de maigres bosquets. Des jeunes filles très jolies dans les jardins fleuris, un copain indécis se demandait accroupi s'il fallait oser si une allait dire oui. Je veux bien, mais à minuit, tu me libères ou tant pis, tu me gardes pour la vie. C'est ainsi que vont les choses, on s'unit souvent pour mettre un terme à son ennui. Mais si on pourchasse l'âme sœur sans nul trêve, la seule, l'unique, celle de ses rêves, elle vous arrive un jour comme dans un rêve. Elle vous arrive un jour comme dans un rêve. Elle vous arrive un jour comme dans un rêve. Elle vous arrive un jour.